Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Un élève du lycée urbain d'Oguitega a été blessé à la tête dans une altercation commencée dès la nuit hier entre les élèves du lycée Moussinzira et ceux des autres établissements venus y passer l'examen d'état. Notre correspondant nous en parle dès le début de ce journal. Et une quarantaine de familles expropriées de leur paysana au quartier Mouyangue de en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi dans la province de Bujumbura réclament des indemnisations alors que les travaux de viabilisation sont déjà en cours. Et des sénateurs s'inquiètent des considérations ethniques qui entourent l'accueil réservé aux autorités du Burundi dans les ambassades à l'étranger. Ils l'ont dit hier lors d'une séance d'approbation de nos deux nouveaux ambassadeurs du Burundi. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir, un élève du lycée urbain de Gitega a été blessé à la tête d'un coup de bâton qu'il a reçu de la part des élèves du lycée Gishoui et Mngeya ce matin. Ces élèves qui étaient venus pour passer un examen d'état avaient passé une nuit dans une bagarre qui a eu lieu entre les élèves du lycée Gishoui et Mngeya contre ceux de Moussinzira. Les dégâts sont constitués de vitres du dortoir cassées ainsi que des lits démolis. Correspondance d'Arthur Kavabouchi. Selon le directeur d'internat au lycée Moussinzira, il était vers 6 heures du matin quand l'élève du lycée urbain est arrivé au lycée Moussinzira pour faire l'examen d'état. Il a alors été accueilli par ceux qui sont venus du lycée Gishoubi et Mngeya. Ils l'ont pris pour un élève du lycée Moussinzira, puis lui ont donné un coup de bâton sur la tête. Il a alors été conduit d'urgence à l'hôpital régional de Gitega. Ce directeur d'internat fait savoir que dans la nuit de mercredi à jeudi vers 23 heures, les élèves du lycée Moussinzira ont vu ceux de Gishoubi et Mngeya sortir pour dormir à l'extérieur. Quand ils sont allés leur demander pourquoi, ces Dogishoui et Mngeya ont pris en otage un élève du lycée Moussinzira et du coup, la bagarre a commencé. Il dit que les autres ont commencé à démolir les lits du dortoir pour avoir les bâtons de combat. Ils ont même lancé des pierres sur les vitres du dortoir de ceux du lycée Moussinzira. Le directeur indique que quand il est arrivé pour s'enquérir de la situation, les élèves du lycée Gishoui et Mngeya l'ont agressé physiquement, mais la police est conduite par le commissaire provincial de Gitega et l'a tiré des mains de ses élèves. C'était vers 2 heures du matin. Il y a également deux grooms du lycée Moussinzira qui ont été battus. Jusque 16 heures de ce jeudi, les dégâts étaient constitués de 35 vitres du dortoir cassées, 50 lits démolis ainsi que deux téléphones portables. Le directeur du lycée Moussinzira a dit qu'ils vont comptabiliser tout ce qui a été endommagé. Il a souligné que même ceux qui ont été victimes de cette bagarre seront dédommagés. Ils vont après le communiquer à ses élèves qui vont recevoir leur diplôme après paiement. Sachez que les examen d'état au lycée Moussinzira s'est bien déroulé et qu'ils ont terminé tous les examens et que ce centre de passation était encerclé par beaucoup de policiers. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabouchi. Et les élèves qui doivent passer l'examen d'état à l'école technique de Wubanza ont arrêté le travail ce matin pendant un bon bout de temps. Ils se lamentaient qu'ils n'avaient pas mangé au cours de la nuit dernière, qu'ils étaient incapables de continuer l'examen. Beaucoup de policiers ont été déployés à cet endroit. Les autorités administratives et scolaires ont convaincu ces élèves de regagner les salles de classe et leur ont promis que le problème sera résolu. Après l'examen, les élèves ont fini par continuer les travaux. Une jeune fille est morte étranglée le soir de ce mercredi sur la colline Magara 2 à la 8e avenue en commune et province Rumonge. Des sources policières indiquent que la victime, une élève du secondaire, a été étranglée après avoir été violée par des inconnus. La police ajoute que les auteurs de ce meurtre n'ont pas encore été arrêtés pour être interrogés, même si l'on affirme que les enquêtes policières ont déjà commencé. Alors qu'un fusil a été retrouvé en plein air, tout près de la route en commune Guianga de la province de Bouanza ce mercredi, les enfants qui l'ont vu ont alerté d'autres personnes et celles-ci ont appelé les policiers qui l'ont récupéré. Un homme suspecté de l'avoir déposé à cet endroit a pris fuite et reste introuvable. Isanganiro, la radio de l'avenir. Dans la suite de ce journal, 48 familles du quartier Mouyangue et 2 en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi dans la province de Bujumbura se lamentent qu'on est en train de les exproprier de leur paysanat situé près du camp militaire de la localité. C'est au moment où cette partie est en train d'être viabilisée. Les familles lésées disent que ces propriétés leur appartiennent depuis les années 1955. Elles s'insurgent contre ce programme de viabilisation sans qu'elles soient même indemnisées. Suivez. Nous refusons qu'ils viennent nous chasser alors que nous sommes dans un état de droit. On devrait plutôt nous donner nos propriétés comme le président de la République l'a déclaré en 2010, que les paysannats appartiennent aux populations qui les exploitent. Si tout au moins on avait pris une partie et nous laissait une autre, on allait se réjouir du développement qui ne nous empêche pas à cultiver et nourrir nos familles. Et voilà qu'on a tout pris sans indemnisation. Personne ne peut même y avoir une parcelle sans avoir payé 4 millions de francs. Imaginez, on te prend une propriété, tout un paysanat, et on revient te faire payer de l'argent alors qu'on t'a pris tout le terrain. Toutes les 48 familles, nous avons toqué partout, personne ne nous reçoit. Même le président Bagaza avait aboli le servage. Et le chef collinaire de Mouyang et de Ambroise Ndikoumana affirme que ces propriétés appartiennent à la population et ne sont pas du domaine militaire. Pour lui, il faudrait penser à les indemniser tout au moins en octroyant une parcelle à chaque famille sans devoir leur faire payer des frais. Suivez Ambroise Ndikoumana. Je sais bien que depuis qu'on a donné des paysannats, ce terrain appartenait à la population. Si je me rappelle bien, c'était sous le régime Bagaza qu'on a érigé un camp militaire. C'est là où on a exigé aux populations de s'éloigner pour ne pas être tout près de ce bataillon. C'est ainsi qu'on s'est accaparé de ces paysannats. Mais les gens ont continué à y cultiver, seulement ils donnaient de l'argent aux militaires, jusque je crois en 2012 et 2013 comme ça. Et quand ils sont alors venus pour la viabilisation, personne parmi les propriétaires n'y a reçu une parcelle. S'il peut y avoir quelqu'un qui en aurait eu une, probablement qu'il sera exproprié car 4 millions exigés comme frais de viabilisation, c'est beaucoup pour un simple cultivateur. Je pense que le gouvernement devrait les indemniser, tout au moins en leur donnant des parcelles. Que le terrain appartenait à ces populations, je confirme à 100%. Les propos ont été recueillis par Léonce Huitariho. Les sénateurs s'inquiètent de la manière dont les autorités sont accueillies dans les ambassades à l'étranger. Ces propos ont été tenus hier mercredi à l'occasion de l'approbation par le Sénat burundais de 4 noms de nouveaux ambassadeurs. Leur inquiétude réside au niveau des considérations liées à leur appartenance ethnique. Le ministre Alain Aimé Nyamitwe répond que de tels comportements sont hors la loi. Citer les locales. Le point avec Alain Désiré Ukeneza, stagiaire. Les sénateurs disent qu'ils veulent savoir la manière dont les services sont organisés au niveau des ambassades. Le sénateur Célestin Daizeye manifeste ses inquiétudes, disant que certaines ambassades accueillent les autorités en voyage à l'étranger en considération de l'appartenance ethnique. Nous voulons savoir, en tant que sénateur, la manière dont les services sont organisés au niveau des ambassades. S'il y aurait une inspection, paraît-il que c'est pas facile et qu'elle se fasse au quotidien. Nous avons vu au Carrefour dans certaines ambassades où les Burundais passent, il arrive des fois où ils se demandent qui va venir, c'est elle? Serait-il de telle ethnie que celui-ci aille l'accueillir? Serait-il un Tutsi? Celui-là va l'accueillir. Nous voulons savoir si le calme règne aux ambassades depuis le mois d'avril. Selon le ministre chargé des relations diplomatiques, toutes les autorités ne nécessitent pas un accueil. S'agissant de l'accueil qui serait fait en se référant à l'ethnie de telle ou telle autre autorité, l'ambassadeur Alain Aimé Nyamitwe fait savoir que cela constituerait une violation flagrante de la loi. En premier lieu, toutes les autorités n'ont pas besoin d'accueil. Le protocole de certains pays détermine les autorités qui nécessitent un accueil. Souvent, nous surchargeons les ambassades alors que les moyens sont limités. À mon avis, lorsque le gouvernement accrédite son personnel à l'étranger et lorsque telle ou telle autre autorité va à l'étranger, le personnel de l'ambassade a l'obligation de l'accueillir indépendamment de l'appartenance ethnique de tous côtés. S'il y aurait un cas où l'appartenance ethnique est considérée, veuillez le dénoncer puisque ça serait une violation de la loi. Dieu nous a donné un seul pays, nous devons vivre en harmonie et les ambassades doivent respecter la loi. Ils doivent accueillir les autorités conformément à la loi. Le ministre des Relations extérieures appelle aux ambassadeurs de se préoccuper toujours aux relations diplomatiques en commençant par la bonne relation entre les Burundais. Alain Désiré Boukéneza, il est stagiaire à notre station et le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a décelé au niveau des textes régissant la justice militaire certaines lacunes. Emmanuel Nahouvoki l'a évoqué quand il présentait aujourd'hui les réalisations semestrielles de son ministère. Il a en outre indiqué qu'il y a eu l'assainissement du cadre légal du ministère de la Défense nationale. Suivez le ministre Emmanuel Nahouvoki. Le ministère de la Défense nationale des anciens combattants a organisé un état des lieux en préalable à l'assainissement du cadre légal de la Force de défense nationale du Burundi en vue du respect de la Constitution. Plusieurs réunions d'échanges sur cette importante activité ont été tenues et abouti à l'élaboration d'un projet de loi organique portant mission, organisation, composition et fonctionnement de la Force de défense nationale du Burundi qui a été soumis aux instances habilitées pour adoption et qui a été adopté par le Conseil des ministres et qui reste à être voté par l'Assemblée et le Sénat. Le ministère a identifié les lacunes du cadre légal applicable à la justice militaire, notamment les textes à actualiser et ou à créer. Le ministère de la Défense a également adapté le cadre légal pour la prise en compte du concept genre à la FDN en vue d'avoir une réglementation adaptée au genre. Dans l'élaboration du projet de loi organique, le concept genre a été tenu en compte. Et la fête des communes se tiendra le 6 août prochain, une occasion d'auto-évaluation pour chaque commune. L'assistante du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique, Terence Nairaja, qui a fait cette annonce, a rappelé que les contributions des natifs sont d'une grande valeur pour le développement des communes. Et entre-temps, les 500 millions de francs burundais destinés au développement des communes ne sont pas encore décaissés. Et c'est une précision donnée par Clovis Manishimwe. Il est chef de service de passation des marchés publics au sein du Fonds national d'investissement des communes FONIC. Il ajoute que ce décaissement suivra l'exécution des projets par les communes. Suivez Clovis Manishimwe. Presque toutes les communes du Burundi qui ont déjà déposé au niveau du FONIC les projets d'investissement communaux à une échelle de 95%. Maintenant, les communes sont en phase de procédure de passation de marché pour exactement pouvoir attribuer ces marchés aux soumissionnaires qui ont gagné les marchés afin qu'ils puissent commencer l'exécution des travaux. Vous avez déjà effectué un décaissement pour le financement des projets qui ont déjà été déposés? Non, pour le moment, je vous dirais que ces projets communaux vont être exécutés dans le cadre de procédures de passation de marché. Pour pouvoir opérer des décaissements, c'est que les marchés ont été attribués et les entrepreneurs ont déjà exécuté les travaux et ont facturé. Donc, aucune commune n'a encore cet argent. Ce n'est pas un budget qui est décaissé d'un seul coup à la commune, mais c'est au fur et à mesure que les communes exécutent leurs projets que ce budget sera décaissé. Et à propos de la célébration de cette journée communale, Faustin Dikouman a dit qu'elle ne devrait pas se limiter aux cérémonies à caractère politique. Le président de l'association Parsem indique que cette journée doit plutôt être une occasion de débattre sur les défis à relever pour que les communes puissent atteindre leur développement réel. Dans un communiqué, Faustin Dikouman s'est réjoui de la création de cette journée. Au Parsem, nous félicitons que cette journée existe parce qu'avoir comment actuellement la commune est l'entité de base de projection de développement économique, donc c'est la vitrine de concrétisation du développement dans notre pays. Mais nous interpellons la conscience des uns et des autres pour que cette journée ne se limite pas à de simples manifestations folkloriques, plutôt qu'elle doit servir d'occasion de réfléchir, de faire une introspection par rapport aux défis qui entravent le développement de la commune. D'abord, il y a un manque d'intégration du programme de développement de la commune dans les programmes de planification centrale, en l'occurrence le CCRP et la vision 2025. Il y a aussi un manque de données chiffrées sur certaines indications socio-économiques qui seraient réservées exclusivement aux entités de la commune, qui seraient de base de cadre d'évaluation. Il y a une loi qui exige un certain niveau de diplôme pour accéder à certaines postes de responsabilité au niveau de la commune. Mais cette loi n'est pas respectée. On voit que le recrutement de la commune témoigne de manque de transparence et des fois, il est politisé. Il y a aussi le problème de manque de transparence dans l'octroi des marchés publics, alors que la loi exigeait la déclaration des biens aux autorités communales jusqu'au même comptable communaux. Et ce manque de transparence, justement, favorise l'enrichissement illicite de certains cadres au niveau central et au niveau local. Il y a aussi une interférence entre les deux ministères, le ministère de l'Intérieur et le ministère du Développement communal, on dit qu'il n'y a pas de limite de responsabilité. Il y a des fois des chevauchements entre responsables de ces deux ministères au niveau du pilotage des projets, au niveau du développement de la commune. Dans la suite de ce journal, je l'apprends en même temps que vous, les bus de transport comme Volcano et d'autres qui traversaient la frontière burundo-rwandaise pour aller en Ouganda, comme les bus Horizon, n'ont plus la permission de passer par la frontière du Burundi pour aller au Rwanda. D'après l'information que la radio Isanganiro a recueillie auprès des passagers qui ont annulé leur voyage, seules les personnes à bord de ces véhicules passent, mais les véhicules sont obligés de faire demi-tour. Cette information est aussi confirmée par le porte-parole de la police nationale, Pierre Nkurikiye. Selon lui, il ne s'agit pas de la fermeture des frontières, mais c'est une mesure qui a été prise pour empêcher que ces véhicules fassent le transport des personnes, mais aussi emportent beaucoup de vivres en provenance du Burundi. La mesure vise donc, selon le porte-parole de la police nationale, à empêcher les produits alimentaires en provenance du Burundi de continuer à être acheminés au Rwanda. Dans les nouvelles des provinces maintenant, les eucalyptus sont menacés par des ravageurs en forme de poux qui détruisent les feuilles de ces arbres, dans la province de Mwaro notamment. Les responsables du secteur de l'agriculture et de l'élevage dans cette province indiquent que ce type de ravageur n'est pas encore connu. Ils signalent que des échantillons de feuilles attaquées ont été acheminés à l'étranger pour que ces ravageurs soient identifiés. Laurent Dicourio pour plus de détails. Sur les feuilles des eucalyptus attaquées par ces ravageurs en forme de poux, on trouve des taches brunâtres qui font que la feuille devient sèche après quelques temps et finit par tomber. Dendeke Jean Bosco, chef d'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement en province Mwaro, dit que ces ravageurs sont signalés dans toutes les communes de la province. Il dit que ces ravageurs n'ont pas encore trouvé de médicaments. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage en province Mwaro, François Ninerete, dit que la superficie des eucalyptus déjà atteinte n'est pas encore connue. Il indique qu'ils ont adressé un rapport relatif à la direction de la défense et protection des végétaux relevant du ministère de l'agriculture et de l'élevage, qui à son tour a envoyé des échantillons au Kenya pour pouvoir identifier ces ravageurs. En province Mwaro, 95% des boisements privés sont formés des eucalyptus, d'après le chef d'antenne provinciale de l'OBPE à Mwaro. Aussi, le bois a été classé parmi les 5 filières prometteuses qui génèrent beaucoup de revenus à la population de la province Mwaro par la GIZ ADLP. Ces ravageurs peuvent alors entraîner la pauvreté de beaucoup de familles dans cette province. La population de cette province est invitée à diversifier les essences d'arbres cultivés pour que dans l'avenir, certains arbres soient épargnés s'il y a des parasites qui attaquent une des espèces d'arbres. De Mwaro, Laurent Dicourio, Radio Isanganiro. Merci Laurent. Ces ravageurs sont également signalés dans la province de Gitega. Selon l'inspecteur des forêts dans la région centre-est, l'eucalyptus attaqué sèche et même les feuilles deviennent trouées. Il fait savoir qu'il n'y a pas de produits phytosanitaires contre ces ravageurs et que si la pluie ne tombe pas, il risque d'y avoir des conséquences énormes étant donné que ces insectes attaquent aussi les êtres humains. Sachez qu'en 1994, ces ravageurs ont attaqué les forêts du pays et que même cette année, en cours, le risque est grand que ces insectes se répandent dans tout le pays. Enfin, nous avons toujours une pensée à notre confrère journaliste Jean-Louis Guilimana du journal Iwachu et Info Grand Lac, qui est toujours porté disparu depuis déjà 14 jours. Il a été arrêté le vendredi 22 juillet à Bugarama, en province de Muramvya. La police nationale et le service national des renseignements disent n'avoir pas arrêté le journaliste. Et c'est toujours l'inquiétude dans sa famille et dans le groupe de presse Iwachu et dans la famille des journalistes qui demandent que la vie de Jean Bigirimana soit préservée. Le directeur de l'hebdomadaire Iwachu reste convaincu par ailleurs que si la police s'implique davantage et se réfère sur ses enquêtes, elle pourra savoir où se trouve le journaliste, le groupe de presse Iwachu, qui a également interpellé la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, pour qu'elle s'implique dans cette affaire. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée. Ne tournez pas le bouton, nos programmes continuent.